private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque, la première change. Il est 11h. Place au journal. Bonjour à tous, Marie Van Kutsem avec vous. Roberto Martinez. Vous risquez d'entendre beaucoup ce nom aujourd'hui et à l'avenir aussi. C'est celui du nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Entraîneur espagnol, spécialiste du football britannique. Il a notamment entraîné Swansea, Wigan et Everton. Everton où il a déjà pu rencontrer deux Belges, Romelu Lukaku et Kevin Miralas. Côté personnalité, on le dit calme et posé. Il s'est déjà dit honoré de pouvoir travailler avec un groupe de joueurs aussi talentueux que les Diables. Il sera présenté ce midi lors d'une conférence de presse à l'Union Belge. Et sur le terrain, c'est le 1er septembre qu'on le verra à l'œuvre pour la première fois. Les Diables joueront en amical contre l'Espagne. Le soufflet retombe à Londres après une attaque au couteau hier soir en pleine rue. Un jeune homme de 19 ans a tué une femme d'une soixantaine d'années et a blessé 5 autres personnes. La police annonce à présent que le jeune homme est accusé de meurtre. La piste terroriste n'est plus évoquée. On parle plutôt de problèmes de santé mentale du tueur. La police londonienne dit toutefois rester très prudente sur le mobile de l'auteur des faits qui n'est pas encore connu. En Afghanistan, 5 touristes étrangers ont été blessés dans l'ouest du pays par un tir de roquette contre leur véhicule. Leur nationalité n'a pas été précisée pour l'instant. Le tir de roquette, lui, a été attribué aux talibans. Chez nous, des milliers de cerveaux seront conservés à Anvers. L'université a reçu une collection, une banque de cerveaux qui appartenait au neuropathologiste John Corselis, un londonien. Ce sont tous des cerveaux d'anciens patients en psychiatrie. Ils étaient schizophrènes, dépressifs ou dépendants. Des cas fort intéressants à étudier. La collection est arrivée à l'hôpital psychiatrique de Duffel, dans la province d'Anvers. Donc, les cerveaux ont été placés, paraît-il, dans des caves bien ventilées. Et enfin, si vous êtes sur la route au centre de Bruxelles. La liaison entre les tunnels Louise et Stéphanie est fermée pour l'instant dans toutes les directions. Une fermeture due, semble-t-il, à un problème de ventilation. Il y a du coup d'importantes files au centre-ville. Prenez vos précautions. Voilà pour ces infos. Merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. Globe Crocker, jusqu'à midi sur la première. Le destin est un caméléon agrippé à la branche d'un arbre. Un petit bruit suffit à le faire changer de couleur. Proverbe malgache. Belle matinée sur la première, l'été coule en pente douce. En compagnie de Globe Crocker, l'émission des voyageurs différents. Ceux qui se laissent bouleverser par la destination au point parfois d'en tomber amoureux. Comme chaque jour, on fait table d'hôte pour les objets, musique et lecture de voyage. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un jeune Tunisien qui débarque en Belgique à l'âge de 19 ans avec la ferme intention de se payer des études. Celles-ci lui permettent un jour de voyager pour étudier les plantes médicinales entre autres. Leur parfum l'attire sur les hauts plateaux malgaches. Entre canal de Mozambique et océan Indien, voilà Mondeur El Jaziri qui tombe amoureux de ce bout de continent originel tombé dans l'océan Indien. Un bout du monde qu'il nous fait découvrir aujourd'hui, Madagascar. Voilà notre bout du monde à croquer. 11h midi, Benjamin Leupart, Globe Crocker, sur la première. Aujourd'hui, on vous emmène vers l'une des plus grandes îles au monde. L'île continent, l'île rouge, nous nous arrêtons à Madagascar. L'île est remplie de trésors. À l'est, les épices et les fruits tropicaux, les plages et la végétation luxuriante. À l'ouest, le relief va glisser en pentes successives vers les eaux plus sereines du canal de Mozambique. Et de partout, un soleil qui règne en maître toute l'année. Parmi les incontournables, l'allée des baobabs, un alignement majestueux de baobabs entouré de savanes. Ambocitra et ses rizières en terrasse ou encore la côte de la vanille. Le grenier à vanille, à riz de Madagascar, mais aussi une région spécialisée dans l'élevage de zébus. Vous l'avez compris, Madagascar, c'est une biodiversité exceptionnelle et aussi le repère des animaux étonnants, comme par exemple les lémuriens. Si la carte postale vous donne envie, c'est le but. Et c'est parti pour la découverte. Bonjour Mondeur El Jaziri. Bonjour. Bienvenue dans Globe Crocker. On est très content de parler de Madagascar avec vous. D'abord, on est très content de parler avec vous, mais on est aussi très content de parler Madagascar. On débarque avec vous sur cette île. C'est une île fascinante parce qu'elle est unique au monde. On va voir ça avec toutes les choses que vous avez à nous en dire. Quelles étaient vos premières impressions lorsque vous débarquez à Madagascar? C'était il y a 16 ans. Ah oui, en effet, ça fait déjà 7 ans, 16 ans. Le temps avance, n'est-ce pas? Donc, la première fois quand j'ai été à Madagascar, c'était une mission de travail, n'est-ce pas? C'était une mission où je devais répondre à une demande de collègues qui travaillaient à l'université là-bas. Et leur demande était tout à fait précise parce que ils étaient concernés par un problème majeur qui est la disparition de pas mal de plantes. Ah, ça, vous supportez plantes... pas, vous, hein? Non, pas du tout. Et donc, la disparition de pas mal de plantes, et particulièrement les plantes médicinales, qui sont récoltées d'une manière tout à fait non raisonnée. Et donc, voilà, on avait envie de partager un petit peu une discussion autour de cette problématique. C'est ça qui m'a emmené la première fois à Madagascar. Ça, c'est la raison pour laquelle vous débarquez à Tananarive, Tana, comme vous dites, hein, oui. Vous-même. Oui. C'est en altitude, Tana. Ah oui, Tana, c'est sur les hauts plateaux, donc elle est à 1200 mètres d'altitude. Il fait frais l'hiver, plus chaud l'été, bien entendu. Mais donc, Madagascar est caractérisé justement par ses reliefs tout à fait particuliers. Vous avez les hauts plateaux au milieu, et puis, bon, bah, comme c'est une île, vous avez le niveau zéro tout autour de l'île, du côté de l'océan Indien ou du canal du Mozambique, ou encore plus au nord, vers Diego. Depuis cette première visite à Madagascar en l'an 2000, en quelque sorte, vous y allez au rythme de deux fois par an. Une à deux fois par an, oui. Et alors, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a de la routine qui s'installe ou à chaque fois, c'est le retour dans le parc d'attractions? Non, il n'y a vraiment aucune routine là qui s'installe, absolument pas du tout, parce qu'à chaque fois qu'on y va, c'est pour une mission bien déterminée, qui est préparée à l'avance. Et donc, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, il y a un stimulant nouveau qui apparaît et qui vous donne encore envie de retourner. Alors vous avez déjà fait comprendre que vous y allez pour le boulot, que les plantes vous intéressent, que la recherche vous intéresse, donc ça c'est la motivation de votre voyage, mais comment vous vous définissez comme voyageur? Voilà, donc voyageur, c'est peut-être un non, terme... Non, c'est pas un grand mot, vous voyagez. Je voyage, en effet. Comment je me définis comme voyageur? Pas du tout, je... D'abord, il y a un intérêt pour visiter l'un ou l'autre endroit sur cette terre. Donc, il y a énormément d'endroits absolument fabuleux à visiter. Il faut qu'il y ait un intérêt, bien entendu, pour y aller. Il faut partager aussi, hein. Donc, ce sont souvent des moments où on découvre des choses et où on a vraiment envie de les partager. À partir du moment où ces conditions se sont réunies, le voyage peut se faire à ce moment-là dans les meilleures conditions. Alors, on voulait vous remercier parce que vous avez joué le jeu de Globe-Crocker en dégotant vos objets de voyage que vous avez posés sur notre table. Il y a plein de choses, il y a des bouquins, il y a des chapeaux, il y a des instruments de musique. On les fera parler, hein, tous ces objets, dans la suite de Globe-Crocker. Mais nous, on a une habitude aussi, et merci d'avoir joué le jeu, parce que vous êtes un homme pressé. Hein. Vous êtes en fait le professeur Mondeur El Jaziri, directeur du laboratoire de biotechnologie de l'ULB, qui est situé à Gosselies. C'est une vocation qui vous emmène... Quand même, c'est sympa comme vocation, elle vous emmène régulièrement de Gosselies à Tananarive pour vos recherches. Oui. Et on vous a demandé, tiens, quand vous prépariez votre premier voyage, qu'est-ce que vous vous mettiez dans les oreilles? Et vous disiez, mais non, moi je n'y vais pas pour écouter de la musique, de toute façon, j'y vais pour le boulot. Et puis en cherchant un peu, parce que vous avez beaucoup voyagé dans votre boulot, eh ben, vous avez trouvé ceci. Mais enfin, monsieur El Jaziri, c'est pas du tout Madagascar, ça c'est le pianiste Ibrahim Ferrer du Buena Vista Social Club. Oui, ben bon, voilà, c'est Cuba. Et donc, Cuba, j'ai travaillé aussi à Cuba plusieurs années et j'y travaille encore un petit peu. On a un gros projet sur le cacao à Cuba que nous menons avec des collègues notamment ici en Belgique. Et voilà, et là de nouveau, c'est un pays où on peut très très très rapidement tomber amoureux aussi parce que... En fait, vous tombez amoureux de chaque pays dans lequel vous allez faire des recherches. Non, mais parce que donc, alors il y a l'accueil des Cubains d'une part, il y a la fameuse musique. musique cubaine formidable. Puis il y a la recherche aussi et le sérieux des gens qui y travaillent. Donc ça veut dire qu'avant de partir, juste avant 2000, vous étiez en mission à Cuba, vous aviez le Buena Vista Social Club dans les oreilles. Tout à fait. Et au moment de plier vos bagages pour aller à Madagascar, mais une fois sur place, évidemment, ça sonne un tout petit peu différent. Ouais. Ça sonne plutôt comme ça. Vi Raosi, de l'artiste Rakoto Fra. Oui, absolument. Mais qui est le défunt parce qu'il nous a quittés en 2001. Mais donc, voilà, ça c'est vraiment la musique traditionnelle malgache. Qu'est-ce qu'on entend là comme instrument ? Ah, ben, c'est une petite flûte. C'est une petite flûte, essentiellement. Et voilà, et c'est une musique traditionnelle malgache que l'on entend un petit peu partout lors de cérémonies ou de fêtes, de villages. Voilà. Alors, Mondeur El Jaziri, vous allez parcourir l'île de long en large et en travers. Depuis les hauts plateaux, vous allez aller jusqu'à la côte. Vous allez voir les fameuses plages blanches malgaches à la recherche des fameuses plantes médicinales. C'est les plantes médicinales qui vous intéressent. C'est pas celles qu'on trouve dans la canopée, c'est plutôt des plantes au sol. Mais dans la canopée, il y a aussi des plantes qui sont médicinales. Les plantes sont médicinales parce que l'homme les utilise pour se soigner. Oui, voilà. Donc elles peuvent pousser sur le sol ou en hauteur. Hein. Vous allez donc parcourir le pays, où il y a 11 parcs qui vous intéressent, 11 grands parcs et puis plein d'autres petits. Tout à fait. Donc à Madagascar, il y a pas mal de parcs nationaux qui ont été mis en place. Ces parcs sont extrêmement importants pour le pays et pour l'avenir de ce pays. Donc il y en aurait certains qui sont donc subventionnés et d'autres pas. Eh bien, il y a intérêt d'être bien chaussé ce matin dans Globe Crocker. On va aller parcourir ces parcs juste après Grand Georges, Fading Away. Don't stay more than a day. I got a long way to walk all alone, and you're not on the way. We met when I was just a kid going somewhere. Nobody was aware. I knew about nothing of what I was looking for, but saw some way that you could be much more. So come by just for a day. Let's walk the old streets a better way. But don't stay more than a day. I got a long way to walk all alone, and you're not on the way. On the way, on the way, on the way, on the way, on the way, on the way. I got a long way to walk all alone. and you're fading away. Fading Away, Grand Georges sur l'album So Fine en 2015. Alors Grand Georges sera en concert le 7 août prochain dans le cadre du Brussels Summer Festival. Il sera encore en concert le 13 août à Saint-Guilain et puis encore en concert le 26 août à Verviers. Bref, Grand Georges est très occupé et nous, on est à Madagascar ce matin dans Globe Crocker et on va se balader à la recherche de plantes médicinales. Globe Crocker sur la première. Le samedi 20 août, ne manquez pas la nuit de feu au château des Lessines, le plus grand feu d'artifice de Belgique. Une heure de spectacle magistral, fait d'artifice, d'opéra et de lumière. Entrée gratuite pour toute la famille. Pensez à réserver votre parking et votre pique-nique sur 070.be. Avec l'avenir, la libre, Télépro, la 2 et la première. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. La Chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876. City 2. Le samedi, c'est deux fois mieux. City 2 vous offre chaque samedi deux heures de parking gratuit pour tout achat de minimum 25 euros. City 2, le centre commercial en plein cœur de Bruxelles. Facile d'accès par le métro Rogier, la gare du Nord ou son parking aisé situé à la rue des Cendres. Il y a toujours quelque chose de mieux à City 2. City 2, prenez la ville du bon côté. La première, la 3 et les jeunesses musicales présentent le 32e Gong Jazz Festival. 25 concerts, Nicolas Kumert et Lionel Loueke, terrassons avec Majid Bekas, Johan Dupont et Steve Houben, les richesses du jazz d'Europe, le prestige du jazz belge. Du 12 au 14 août à Rossignol. Info, gong-jazz.com, avec la Libre et la Loterie Nationale. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Les musicales de Belœil 2016, place à la danse. 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les musicales de Belœil, le 6 août dès midi. Infos et réservations, lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster. Avec la première, la une et la Libre Belgique. Le bois du Cazier a marqué l'histoire. Reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO, le site vous conduit tout en émotion à la rencontre de ceux et de celles qui ont fait la Wallonie. Le Bois du Cazier, le passé présent pour le futur. www.leboisducazier.be. Avec la première et la une. Globe Crocker, jusqu'à midi sur la première. Et notre guide, c'est Mondeur El Jaziri, qui est le directeur du laboratoire de biotechnologie de l'ULB. C'est pas du tout comme ça hein, que vous vous présentez là-bas, parce que c'est devenu des amis un peu les gens sur place. Évidemment, c'est pour faire de la recherche que vous vous baladez à Madagascar à la recherche de plein de plantes. On va les présenter, mais d'abord on va présenter Madagascar tel que vous la vivez depuis 16 ans maintenant. Vous êtes tombé amoureux de cette île. Oui, tout à fait. Bon, le premier séjour à Madagascar était vraiment une révélation parce que ça m'a permis, c'est la première fois que je vais de ce côté-là du monde, d'une part, et d'autre part, j'ai découvert des hommes et des femmes de terrain qui sont tout à fait mobilisés pour des causes extrêmement nobles, c'est la sauvegarde de leur patrimoine. Petit à petit, donc la deuxième fois, c'est aller un peu plus loin à la découverte du pays, à la découverte des différents endroits dans le pays, des parcs nationaux, de sa diversité, que ce soit de sa diversité biologique au niveau des plantes, des animaux, mais aussi des différentes ethnies qui sont là. Et donc, on s'y attache et on commence à tomber amoureux. Vous dites quand on tombe amoureux, c'est facile, il y a une étincelle, mais c'est avec le temps qu'on continue à être amoureux et à voir les choses que les autres ne voient pas. Absolument. C'est un peu votre métier, ça, voir les choses que les autres ne voient pas. Peut-être, oui. Quand on est biologiste, on a une autre vision. C'est pas que les choses que les autres ne voient pas, mais on a une autre vision, donc on découvre un autre angle. Les plantes qui vous intéressent, c'est pas n'importe quelle plante, ce sont des plantes médicinales ou en tout cas qui servent à la médecine à Madagascar. Entre autres, et puis on voit ce qu'on peut en apprendre et en faire nous-mêmes. Elles sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles viennent de Madagascar, elles sont originaires de Madagascar. Il faut peut-être préciser cette origine très particulière de la faune et de la flore de Madagascar, parce qu'elle est unique au monde. Absolument. Donc il faut remonter très très loin dans le temps. Vous savez, les continents, ils étaient groupés. On parlait à l'époque, on parle encore maintenant du Gondwana. Et Madagascar a commencé à se détacher de l'Afrique, on estime à peu près à 165 millions d'années. Alors, vous imaginez, cette île a emporté avec elle une diversité biologique. Elle s'est retrouvée quelque part au milieu de l'océan Indien. Et bien entendu, les êtres vivants qui habitaient l'île, ils sont trouvés dans un nouvel environnement, dans des nouvelles conditions qui les ont poussés certainement à évoluer d'une manière différente que la biodiversité qui est restée sur le continent. Il y a vraiment des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Voilà, et donc il y a des axes évolutifs tout à fait particuliers et spécifiques alors qui se sont déclenchés, qui aboutissent à des espèces tout à fait particulières qui n'existent à ce moment-là que là, c'est ce qu'on appelle les espèces endémiques. On a souvent pensé qu'à Madagascar, il y avait des baobabs et qu'il n'y en avait nulle part ailleurs. Un petit peu faux, il y en a ailleurs, mais il y en a surtout à Madagascar. Oui, à Madagascar, il y a la plus grande diversité de baobabs. En Afrique, il y en a un. À Madagascar, il y en a sept. Voilà. Donc, vous dites ça avec un grand sourire. Oui, absolument. Donc, ça, c'est un exemple tout à fait particulier et typique de cette spécificité de la flore malgache. Et quand vous partez à la recherche des plantes qui vous intéressent, vous partez genre en trek, seul, ou bien comment ça se passe? Alors, ça se passe d'une manière tout à fait particulière. D'abord, il y a un travail qui est fait en amont, là où mes collègues sur place vont faire des enquêtes auprès des tradis praticiens, les gens, les guérisseurs. Donc, ils parcourent les villages et ils ont toute une série de guérisseurs avec lesquels ils travaillent régulièrement. Ces guérisseurs nous renseignent sur des recettes qu'ils utilisent, avec les plantes qu'ils utilisent. On prend rendez-vous, on fixe des rendez-vous avec eux et on part parfois pendant 2-3 jours dans les parcs naturels ou dans la nature en tout cas, pour essayer de retrouver ces plantes avec toujours ces guérisseurs, pour l'identifier. Alors on récolte ces plantes, on les identifie taxonomiquement et ainsi de suite. Vous avez apporté sur la table de Globe-Crocker et déposé sur la table un tas de petits objets, parmi lesquels deux petites bouteilles. Et il y a une bouteille transparente, le liquide est assez, il n'est pas très visqueux, il est jaune, qu'est-ce que c'est? Alors c'est de l'huile essentielle d'Ylang Ylang. L'Ylang Ylang, c'est une plante qui est cultivée au nord de Madagascar. Et à partir de la fleur, on extrait cette fameuse huile qui sent très bon. En tout cas, moi, j'aime bien l'odeur. Et que, sentir, alors. Oui, tout à fait. Et donc, c'est une huile qui est vraiment très, très fort utilisée comme fixateur de parfum, qui est utilisée par toutes grandes marques de parfums pour fixer justement ces parfums. Ah voilà. Donc c'est pas seulement médicinal, c'est aussi un peu cosmétique. Celle-là, Ylang Ylang, elle n'est pas du tout, elle n'est pas médicinale, mais elle est plus cosmétique. Il y en a d'autres qui sont purement médicinales et qui permettent absolument, notamment une cicatrisation un peu fulgurante. Oui, alors il y a une plante assez particulière qu'on appelle en malgache la talapetraka. Et talapetraka en malgache, ça veut dire celui qui se met à genoux, quand on est accroupi, à genoux. Ça c'est simple, pourquoi, en fait, le malgache, enfin, oui, à part les mots. Oui, tout à fait. Et donc, pourquoi elle s'appelle talapetraka à genoux? Parce que c'est une petite plante et on doit se mettre à genoux pour pouvoir la récolter. Alors, c'est une plante extraordinaire parce que les principes actifs de cette plante ont des propriétés cicatrisantes. Lorsqu'on a une blessure, parfois, on est vraiment tout à fait intéressé d'avoir des produits cicatrisants qui vont induire la prolifération cellulaire pour boucher la cicatrice. Ce sont des cellules qui prolifèrent. Alors ça, c'est un premier intérêt. Elle est belle ? Oui, moi je l'aime bien. Elle est très belle. Alors, ça c'est la première propriété, mais comme je viens de le dire, elle va favoriser la prolifération des cellules, donc des cellules plus jeunes, et donc du coup, cette activité biologique peut être utilisée pour rendre une peau plus jeune, retarder l'effet des rides. Et donc ça devient une plante qui est utilisée en cosmétique pour faire des crèmes anti-rides, anti-vieillissement. Tiens, encore voilà. La cosmétique. Encore un cosmétique, absolument. Et donc, voilà, ça c'est un exemple typique d'une plante malgache qui est menacée aujourd'hui, si je le dis, c'est parce que c'est vraiment un gros problème. Vous savez, à partir du moment où il y a des plantes qui ont un intérêt comme ça, cicatrisant et cosmétique, il y a pas mal de firmes pharmaceutiques étrangères qui vont sur place pour récolter ces plantes. On va vous suivre encore dans votre périple autour et alentour de Madagascar à la recherche de ces plantes étonnantes, et puis on va faire parler des chapeaux. Si, si, c'est possible. Vous avez apporté des chapeaux, on va les faire parler dans quelques instants, juste après Suarez. Qu'est-ce que j'aime ça ? Cette patience, cette forme d'intelligence qui nous balance la route à prendre. On connaît bien les pratiques, la projection élastique, tout comme un coma idyllique. On reconnaît ces tourmentes qui réclament un certain silence quand elles aimeraient que l'on se rende. La manière on se fout du reste, même si un jour on le regrette. Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que t'aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? On parie juste sur la chance, l'excuse. De faux, t'as pas de chance, ne calcule plus la remontrance. Il suffit juste d'un mot, d'un geste, et hasard s'occupera du reste. J'ai la folie des grands peut-être. Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Je parie juste sur la chance. De faux, t'as pas de chance, ne calcule plus les remontrances. Il suffit juste d'un mot, d'un geste, et hasard s'occupera du reste. J'ai la folie des grands peut-être. Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça, Suarez, une partie du groupe est malgache, l'autre est belge, et c'est pour ça qu'on l'écoutait ce matin dans Globe Crocker, Suarez qui sera en concert au festival Seine-sur-Sambre, ce sera le 28 août prochain. On continue notre balade à Madagascar en votre compagnie, professeur El Jaziri, parce qu'on cherche des plantes, mais on rencontre des gens. Globe Crocker sur la première. rtbf.be/ovio, toute l'offre des programmes de la première. Accessible partout, tout le temps. rtbf.be/ovio. La 2, en télé. Les meilleurs athlètes mondiaux vont briller à Rio. Vivez en direct la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ce vendredi sur La 2. La première, 11h midi. Globe Crocker avec Benjamin Leupart. Professeur El Jaziri, vous êtes notre guide à Madagascar parce que vous connaissez l'île comme votre poche, une île gigantesque, hein, 575 000 km². Ah oui, absolument. Alors ça parle pas à tout le monde ça, c'est grand comme quoi? C'est grand comme la France et le Benelux réunis. Ah oui. Voilà, donc ça fait 1600 km de long sur 600 km de large à peu près. Un peu moins. Oui, donc ce n'est pas vraiment une balade à pied que vous faites quand vous allez chercher vos plantes médicinales. Non. Absolument. Et en plus, il faut savoir aussi une chose, c'est que les routes, elles sont tout à fait abîmées. Donc, on ne parle pas en kilomètres là-bas, on parle en heures, voire en jours. Comme à la montagne. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment l'aventure déjà pour aller d'un endroit à un autre. Ce n'est pas très facile. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours préparer ces missions sur le terrain. Elles ne sont pas du tout évidentes. Mais bon, maintenant, on a toute une équipe. Quand on part en expédition pour chercher les plantes, donc il faut partir avec la 4x4, les chauffeurs, le médecin... toute une équipe. Voilà. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de globe-croqueurs qui sont venus nous voir cet été pour raconter leur périple et leur changement de vie en voyage. Oui. Et un des conseils récurrents, c'était ne surtout jamais rien prévoir et toujours se perdre. Vous, comme c'est pour le boulot, c'est un peu l'inverse. Oui, c'est différent. Nous, on a un objectif qu'on veut atteindre. On ne va pas se promener. Donc, on a un objectif. Mais tout en ayant un objectif, on peut aussi se permettre des petits moments où on peut s'égarer. Hein, on peut s'égarer pour voir à côté des plantes qu'il y a autre chose. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les animaux. Madagascar a changé de surnom, vous saviez ça? Elle s'appelait l'île verte. Oui. On la surnomme autrement maintenant. L'île rouge. Pourquoi hein? Parce que la terre, elle est rouge, donc c'est une île. La terre à Madagascar, elle est chargée en fer. Et donc, c'est pour ça qu'elle a cette couleur rouge. Et donc, ça contraste très, très fort, le rouge, avec le vert, la couleur des plantes, de la chlorophylle, et le bleu, la couleur du ciel, surtout quand on est sur les hauts plateaux et qu'il fait beau. Donc, vous avez ces trois couleurs-là qui sont prédominantes, le bleu, le vert et le rouge, et ça donne très bien en photo. D'ailleurs, Madagascar, c'est un pays photogénique. Les gens aiment la photo, hein. Ils ne fuient pas du tout les appareils photo. Ah, pas du tout, au contraire. Donc bon, bien évidemment, il faut faire ça gentiment, il ne faut pas photographier n'importe quoi. Mais sinon, les gens, ils s'y prêtent bien à la photo. Il y a de très belles lumières, de très belles couleurs, et je crois qu'il y a pas mal de photographes étrangers qui vont là vraiment pour des reportages. Il y a aussi un photographe malgache qui s'appelle Pierre Oman, qui a déjà exposé en Belgique, hein, une ou deux reprises déjà. J'ai amené ici quelques documents de sa part où on voit des photos. C'est le spécialiste du noir et blanc, on ne voit pas les couleurs, mais c'est vraiment d'excellentes photos. En parlant de rencontres avec les gens, il y a moyen, en les voyant au premier coup d'œil, quand on a un œil exercé comme le vôtre, de les attribuer, ou en tout cas de les reconnaître en termes d'ethnie, d'origine ethnique, grâce à ce qu'ils portent sur la tête. Et vous nous avez fait des cadeaux dans Globe Crocker. Il y a une série de chapeaux aux formes très très différentes et qu'on peut lire en fait sur la tête des gens. Absolument. Donc moi, je n'ai pas vraiment encore le coup d'œil pour vous dire rien qu'à la tête de la personne s'il est de telle ou telle ethnie, mais il y a quand même des différences marquées, vraiment importantes. Il faut savoir que le peuple malgache, il a une origine de l'archipel indonésien. Et ces gens-là, quand ils sont arrivés, ils se sont mélangés avec les Africains, hein, d'Afrique noire, puis les Arabes qui sont venus, et puis il y a les Indiens qui sont venus, il y a les Chinois qui sont venus. Donc c'est vraiment une île où il y a un mélange extraordinaire en termes de phénotype, en termes de physique qu'on voit. C'est vrai que sur les hauts plateaux, les gens là, on l'appelle les Mernes, et ces Mernes, donc il y a eu 18 ethnies au total à Madagascar. Les Mernes qui habitent les hauts plateaux, ils ont les cheveux lisses et un physique qui ressemble plus à l'Indonésie. Si vous allez du côté du Mozambique, vous allez trouver un physique plus africain, avec des cheveux un peu crépus et des choses comme ça. Et puis vous avez tous les mélanges. Mais par contre, moi, comme je ne suis pas malgache encore, je les reconnais très facilement avec les chapeaux qu'ils ont. Parce que, comme vous voyez ici, je vous ai apporté trois exemplaires, mais il y en a beaucoup plus. Il y a des chapeaux, par exemple, comme celui-ci, qui est pointu. Qui est rond, pointu, et avec un bord qui présente des triangles. Voilà, tout à fait, et coloré, les couleurs, peu importe les couleurs, mais c'est la forme qui compte. Et ça, c'est une tribu qu'on appelle les Vezou. C'est une tribu qui se trouve du côté sud-ouest de Madagascar, avec la ville de Tuléar, qui est la capitale de cette partie-là. Il y en a un autre qui est blanc, carré. Il y en a un autre qui est blanc, carré, avec des petites marques rouges. Ça, c'est une partie, on le trouve essentiellement sur les hauts plateaux du côté de Fianarantsoa. Ah oui, mais ça me dit rien. Les Betisleo, c'est le nom de la tribu. C'est du côté de Fianarantsoa, qui est une ville, c'est une des grandes villes qui est au sud de Tananarive. Ah oui, donc on est quand même dans le sud du pays. Oui, mais c'est toujours sur les hauts plateaux. On est voilà. au centre. Voilà. Donc toujours. Et alors il y en a un dernier qui est très coloré. Il y a un dernier qui est très coloré, qui est un peu chapeau melon, un petit peu chapeau melon comme ça. Mais lui, on va le trouver à Tananarive essentiellement. Eh ben dis donc. C'est très très différent comme chapeau. Et alors il y a un autre objet que vous nous avez apporté qui est très étrange et qui s'appelle une valia. Voilà, ça alors c'est un instrument de musique particulier. Essayer. Allez-y. Ça ne donnera rien, attention. Oui. Ouais, bon, d'abord, il n'est pas accordé, je suis désolé. Ah oui, non, il n'est pas accordé, là, qu'est-ce que vous faites? Non, non, il n'est pas accordé. Ça ressemble à un tube de bambou de 6 cm à peu près de diamètre. Il y a plusieurs cordes en métal. Tout et c'est un peu la guitare du coin. C'est pas une guitare, c'est une sitar tubulaire. C'est une sitar tubulaire. Et quand on s'en sert bien, la sitar tubulaire, hein, eh ben, ça donne ça. C'est Djazer, le roi de la sitar tubulaire. Ça s'écrit Djazeri. Radzer. Ouais, c'est imprononçable le malgache, attention. C'est pas le roi, c'est le prince. Ah pardon. Mais ça c'est va. C'est un virtuose. Donc il s'en sort bien. C'est un virtuose, oui. Et alors ça, vous l'avez fait faire, vous? Tout à fait, c'est l'histoire du restaurant, là. L'histoire du restaurant? Quand j'étais mangé et qu'il y avait quelqu'un qui jouait ça et que je lui ai demandé que je voulais en acheter une. Et... Oui, c'est pas n'importe quel restaurant, hein. C'est évidemment un restaurant à Madagascar. Ah oui, tout vous faites ça en Belgique, on vous dit non, oui, on ne connaît pas ça, évidemment. On va passer à table tout à l'heure avec quelques autres plantes que vous connaissez bien et des spécialités malgaches qu'on fera parler, qu'on goûtera peut-être avec le nez, qui sait. Ce sera dans la suite de Globe Crocker, juste à présent. C'est Maxime Le Forestier qui aime bien aussi la forêt, paraît-il. Sagesse du fou. Sagesse du fou, folie du sage, ça commence un soir du mois d'août. Rougeur des joues, folie d'usage, toi, moi, nous. Hey, toi, moi, nous. Hey, folie d'usage. Hey, rougeur des joues. Hey, quelque chose en toi me rend fou. Sagesse du fou, folie du sage, quand tu viens dans la gueule du loup, la ruse du sioux et son courage, tu veux tout. Hey, hey, tant. Tu veux tout. Hey, hey, sabio. Prends davantage. Hey, hey, tant. Rougeur des joues. Hey, hey, sabio. Quelque chose en toi me rend fou. La peur du loup, c'est une image. Quand tu prends tes jambes à mon cou, sagesse du fou, folie du sage, tu t'en fous. Hey, hey, tonto, tonto. Tu t'en fous. Hey, hey, sabio, sabio. Folie du sage. Hey, hey, tonto, tonto. Si je t'avoue. Hey, hey, sabio, sabio. Quelque chose en toi me rend fou. Sagesse du fou, folie du sage, tu t'en fous. Sagesse du fou, Maxime Le Forestier sur son album en 1991. Nous sommes à Madagascar ce matin avec le professeur Monder El Djaziri, chasseur de plantes exceptionnelles. Et on va passer à quelques plantes qui se goûtent avec le nez et avec la bouche. Cet été, la première prend l'air. Prochaine escale à Esperanza. Je vous donne rendez-vous entre 19h et 22h depuis le festival Esperanza. Didier Mélon. Je recevrai des artistes, nous écouterons des extraits de concerts, nous rencontrerons le monde à notre façon. Esperanza. La première prend l'air en direct d'Esperanza. Demain. Entre 19 et 22h. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Avec le La première Etias présente les 15 ans du BSF, du 5 au 14 août, avec Louise Attaque, Overphonic, Grand Georges, Abdal Malik, Saint-Germain, La Grande Sophie et plus de 70 autres artistes. We love music, we love Brussels. Info et tickets bsf.be avec la Loterie Nationale. Waouh! Londres, Paris, Berlin, Mini-Europe. Un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flânez dans ces superbes jardins et actionnez les nombreuses animations interactives. Mini-Europe, c'est géant! Et ensuite, plongez dans l'Océade à côté de l'Atomium. Avec le soutien de La Première. La Première, 11h midi, Globe Crocker avec Benjamin Leupart. Mondeur El Jaziri, c'est vous qui ouvrez la marche ce matin dans Globe Crocker. Nous sommes à Madagascar et on a déjà senti des plantes exceptionnelles dont vous avez la spécialité, hein, puisque vous êtes le directeur du laboratoire de biotechnologie de l'ULB, qui est basé à Gosli, mais vous passez pas mal de temps chaque année à Madagascar pour aller découvrir de nouvelles plantes, de nouvelles essences. On en a parlé déjà un tout petit peu. On a envie, puisque l'heure avance, on a envie de passer à table et de savoir si parmi ces plantes, il y en a qu'on retrouve dans les assiettes. Ah oui, absolument. Mais donc, vous savez qu'à Madagascar, il y a plusieurs plantes qu'on utilise dans la cuisine. Et j'en ai ramené une ici que moi, j'ai découverte là-bas. Mais bon, elle n'est pas spécifique de Madagascar, mais je l'ai découverte là-bas, qui est largement utilisée là-bas, qui est le kombava. Alors, le kombava, c'est un fruit qui ressemble au citron, évidemment. Hein. Et l'essence de ça, on peut l'utiliser dans la cuisine, par exemple avec le poulet. C'est exceptionnel. Il le dit avec une certaine aplomb. C'est vraiment exceptionnel. Et ça a la petite touche asiatique, comme on en a avec la citronnelle asiatique, comme les restaurants asiatiques font ici. Et donc voilà, je l'ai ramené ici, vous pouvez le sentir, vous pouvez même le goûter, vous allez voir. Bah, on va se gêner. C'est magnifique. En parlant d'asiatique, vous disiez à propos de Madagascar qu'il détrône allègrement les pays qu'on associe spontanément au riz, puisque les Malgaches seraient les plus grands mangeurs de riz que vous n'ayez jamais vus. Ah, absolument. Voilà. Alors, moi, c'est une des choses qui m'a le plus frappé en allant là, pendant les heures de table, c'est de voir la capacité qu'ont les Malgaches à avaler le riz. Alors, le riz, c'est le matin, au petit déjeuner, à midi et le soir. Et c'est des assiettes vraiment remplies. Bon, ça se comprend. Pourquoi ? Parce que le riz, c'est d'abord une plante qui n'est pas très, très riche en protéines et tout ça. Donc, il faut manger beaucoup. Et puis, c'est des travailleurs. Donc, vous savez, par exemple, l'agriculture, elle est très, très dominante là dans le pays. Les gens travaillent dur, manuellement. Donc, ils ont besoin de se nourrir. Et ils mangent beaucoup de riz. Voilà. Et c'est énorme les quantités qu'ils consomment. D'accord, mais pas que. Ils ne mangent pas que du riz. Par exemple, il y a un plat, ils ont des noms bizarres hein, quand même, les plats. Ah oui. Alors, il y a le romazava. Alors, romazava, ça c'est un plat national. Et donc, bien entendu, c'est une espèce de soupe avec ce qu'ils appellent eux des breads, qui sont des plantes, des feuilles de plantes. Ah ben non, vous ne pouvez pas bugger sur les plantes, pas vous. Non, non, non. Là, vous me faites hésiter. Mais ça nous allait, hein, les plantes, c'est bon. Hein. Oui, tout à fait. Et alors, donc, ça peut se faire avec de la viande. Et donc, c'est une espèce de soupe que l'on va à ce moment-là, un pot-au-feu, absolument, que l'on va à ce moment-là arroser le riz avec ça et pour le manger. Donc, ça reste quand même un plat typique parce que je ne l'ai mangé que là. Je crois qu'il existe que là, mais qui est relativement pauvre parce que même en termes de viande, il consomme très, très peu de viande. Rafen tutu. Donc ça, c'est du manioc, des feuilles de manioc pilées, fraîches, pilées, qu'on cuisine également, avec du poisson, du porc, du veau. Et du riz. Et du riz. C'est toujours avec du riz. Encore et toujours du le riz. Et toujours du riz. Il y a une particularité, évidemment, à Madagascar et à sa cuisine, ce sont les épices. Mais on a l'impression que des épices, on en trouve partout. Il y a des épices particulières de Madagascar ? Particulières de Madagascar, je ne dirais pas. Que c'est vrai. Pourquoi ? Parce que la majorité des épices qu'on trouve à Madagascar se retrouvent en Inde, puisque Madagascar elle est restée rattachée à l'Inde pendant très longtemps avant qu'elle ne se sépare de l'Inde. Donc on trouve les mêmes épices. Mais il y a des épices qu'on trouve d'une manière spécifique. Il y en a une qui est l'épice la plus chère au monde, qui est la vanille. Hein. Et donc, c'est l'or noir de Madagascar. Le nord de Madagascar, donc, est dans la région de Sava. Vous en avez apporté dans un étui. J'en ai apporté. Donc, elle est magnifique, cette vanille. Pourquoi ? Parce qu'elle a les bonnes dimensions. Elle fait 17 cm de long. Elle est bien grasse. Et donc, voilà. C'est un problème aussi, la vanille, parce que tout le nord de Madagascar vit de ça. De la culture de cette plante. Et par exemple, l'année passée, le prix de la vanille était à peu près à 30 euros le kilo. Cette année-ci, il est à peu près à 300 euros le kilo. Donc il a augmenté de 10 fois le prix pour plusieurs raisons. La plante, elle est menacée parce que depuis le départ des Français, il n'y a plus tellement de recherches sur cette plante. Elle est malade. Et voilà. Et donc, un des projets que nous avons actuellement à Madagascar, c'est d'aider de travailler avec nos collègues sur place pour essayer de trouver des conditions appropriées pour que la vanille puisse être cultivée dans les meilleures conditions possibles. Il faut dire que la vanille, il faut un petit peu l'aider. Ce n'est pas n'importe quelle vanille. Vous parliez de l'influence française. C'est la vanille Bourbon, celle-là. Oui. On l'appelle la vanille Bourbon. Pourquoi ? Parce que la vanille, comme vous le savez, ce n'est pas une plante malgache. Hein, la vanille, c'est une plante originaire du Mexique. Elle est importée du Mexique, d'abord en Europe, hein, et puis les Français l'ont emmenée à Madagascar, à l'île de la Réunion, dans une première phase. L'île Bourbon ? À l'époque, ça s'appelait l'île Bourbon. Et puis de l'île Bourbon, ils ont cultivé la vanille au nord ouest de Madagascar, du côté de l'île de Nosibé, et puis elle s'est étendue, cette culture-là, sur tout le nord du Madagascar et même sur le côté est de Madagascar. Et donc, c'est pour ça qu'elle porte l'appellation vanille Bourbon. Cette vanille, c'est une plante particulière parce qu'il faut l'aider à ce qu'elle pousse, pour la marier. Voilà. Donc, quand ils ont ramené la vanille du Mexique, elle a fleuri, bien entendu, mais les fleurs ne donnaient pas de fruits. Ça veut dire que la fleur n'était pas fécondée. Pourquoi ? Parce que dans la nature, c'est une orchidée. La vanille, il faut savoir que c'est une orchidée. Il y a un insecte particulier pour la féconder, hein, et c'est qui est une abeille. En l'occurrence. Au Mexique. Ils ont ramené cette abeille donc à l'île Bourbon, mais l'abeille ne s'est pas acclimatée. Et donc finalement, ils ont découvert le moyen de féconder manuellement la fleur. Alors, si à La Réunion, ce sont les marieurs de vanille, ce n'est pas le cas. À Madagascar, ce sont les marieuses. Et donc, toutes les fleurs de vanille sont fécondées manuellement, fleur par fleur. Et là, c'est un travail exclusivement féminin. C'est pour ça qu'on les appelle les marieuses. Merci, professeur El Jaziri. Vous êtes extrêmement généreux et vous nous avez fait la gentillesse de nous proposer dans la suite de Globe Rocker une série, une ribambelle d'astuces pour les gens qui seraient tentés par Madagascar. On va les passer en revue, c'est très très gentil. Ce sera juste après l'Alana, ni Malagasy Orchestra. Thank you. Santana ni Malagasy Orchestra sur l'album Masoala en 2013. Nous sommes à Madagascar ce matin dans Globe Crocker avec le professeur Monder El Jaziri, super pro des plantes médicinales et comestibles. On va poursuivre avec une série de trucs et astuces pour les gens qui seraient tentés par le voyage. La première, Globe Crocker, avec Benjamin Lepart. Professeur Monder El Jaziri, vous êtes le directeur du laboratoire de biotechnologie de l'ULB et vous êtes un globe crocker à votre façon évidemment puisque depuis 16 ans, vous faites l'aller-retour entre la Belgique, Gosselies où se trouve votre laboratoire, et Madagascar pour aller un peu à la pêche aux plantes. Des plantes qui ont des particularités vraiment intéressantes d'un point de vue médical mais aussi cosmétologique ou alors point de vue gustatif tout simplement. Vous avez quelques bons trucs et astuces à suggérer à des gens qui seraient tentés par l'île aux lémuriens. D'ailleurs, vous nous avez apporté des lémuriens qui sont là. C'est pas des vrais lémuriens, c'est des... C'est des faux lémuriens. C'est des sculptures de lémuriens. Oui, non, une représentation de lémuriens. Parce qu'on a beaucoup parlé de flore, effectivement, dans ce globe crocker sur Madagascar, mais la faune, c'est surtout le lémurien qui la représente. Oui, le lémurien en est un. Le caméléon, c'est le deuxième, et puis la batracien. Donc, les lémuriens sont les plus connus parce que, bon, c'est des animaux tout de même assez sympathiques, et puis ils sont pas très méchants vis-à-vis de l'homme. Font beaucoup de cinéma aussi dans les films d'animation en ce moment. Oui, tout à fait. Et donc, je peux vous citer, par exemple, trois types de lémuriens assez intéressants. D'abord, il y a le plus gros des lémuriens qui se trouve dans le parc d'Andasibé. C'est entre Tananarive, la capitale, sud, et la côte est. C'est sur la route qui va vers la nationale 1, qui va vers la côte est. C'est le parc d'Andasibé que d'ailleurs je recommande à toute personne qui visite Madagascar parce que c'est un très très beau parc où on rencontre le plus gros lémurien qui s'appelle Indri Indri. et en malgache, il s'appelle le Babakutu. Alors c'est très impressionnant. D'abord, c'est une forêt tropical humide, il pleut beaucoup, il pleut tout le temps là. Et puis quand vous arrivez, vous allez à un moment donné de la journée entendre un énorme bruit qui va vous donner la chair de poule. Et en fait, c'est le Indri Indri qui à heure fixe hurle. Et donc c'est très impressionnant. La première fois quand j'étais là et j'ai entendu ça, c'est vraiment la chair de poule que ça vous donne. Et alors le lendemain, vous allez dans la réserve avec le guide et vous allez à la découverte de cet Indri Indri assez impressionnant. Ça, c'est le lémurien le plus grand. Il ressemble à quoi? Couleur, des singes, il a des yeux verts. Voilà, une de ses caractéristiques, c'est qu'il a les yeux verts. Un tombeur, quoi. Ouais, oui, voilà. Et donc, alors, il y a un deuxième lémurien que j'aimerais bien citer, qui est le microcèpe. Alors, le microcèpe, c'est le plus petit des lémuriens, qui, lui, fait à peine 18 centimètres. Et donc, c'est un nocturne. Et voilà. Et donc, ils sont tous nocturnes ou il y en a qui sont diurnes? Il y a des diurnes, il y a des nocturnes. Hein. Il y a les deux. Mais non, parce que plus si petit, vous donnez des astuces pour y aller, mais qu'on ne les voit pas parce que c'est la nuit. Si. Alors, quand vous allez là, il y a des visites guidées pour voir les lémuriens la journée, mais aussi des visites organisées pour voir les lémuriens la nuit avec les torches. Et donc, d'ailleurs, c'est très impressionnant parce que vous vous baladez dans la forêt ou au bord des routes, là où il y a les lémuriens, et quand les lémuriens approchent, vous allez voir leurs yeux, donc qui reflètent la lumière d'une manière assez impressionnante. Là, on était dans un des sept grands parcs de l'île. Il y en a plein d'autres. Andasibé, oui. Il y a d'autres parcs. En plus d'Andasibé, il y en a un autre que j'aime vraiment beaucoup, qui est sur la route nationale 7, qui va de Tananarive à Tuléar, et qui est le parc de l'Ishalo, qui s'écrit Isalo. Et donc, c'est un énorme parc qui est d'une richesse exceptionnelle au niveau des plantes, des animaux et des paysages. Et je le conseille vraiment à toute personne qui prendrait la route pour ce fabuleux pays. Il y a un plan pour les amoureux aussi, comme quoi vous n'êtes pas qu'un scientifique. Vous êtes un cœur aussi. Amoureux de quoi? De la nature? L'un de l'autre? Ça dépend. Vous disiez peut-être une petite descente en pirogue. Voilà, mais donc, alors, la route nationale 7, ça c'est un voyage que je conseillerais. Et alors l'autre, c'est une descente en pirogue, qu'on peut, alors on part de Tana, on va aller en voiture jusqu'à un endroit où on peut prendre une pirogue qui va vous emmener pendant 3 jours de pirogue, donc vous allez pendant 3 jours en pirogue, descendre le fleuve qui s'appelle la Tsiribiina. Et à l'arrivée du côté du canal du Mozambique, là, notre voyage n'est pas fini parce que vous avez encore deux magnifiques choses à voir. La première, c'est cette fameuse allée des baobabs dont on a parlé en début de l'émission. Et alors, après cela, vous allez avoir le parc des Tsing, qui est aussi un parc, une réserve naturelle. Ça, il faut absolument décrire ça. Alors, les Tsing, ça s'écrit T-S-I-N-G-Y, les Tsing. Mais on ne lit pas le Y. Oui. Tsing. Et donc, c'est une forêt de pierre. Alors, il faut savoir, elle a une origine, cette forêt de pierre. Ce sont des massifs qui se sont formés par sédimentation des coquillages. Donc, c'est du calcaire. Et lors de la migration des plaques, il y a eu donc un soulèvement de ces massifs calcaires qui forment des arêtes. Oui, tout à fait. Cette forêt calcaire qui, avec le temps, depuis 165 millions d'années, de pluie, de vent, de conditions climatiques, de soleil, c'est fragmenté, c'est complètement déchiqueté, et c'est devenu vraiment une forêt, et d'ailleurs c'est très pointu, et on peut aller dessus, et c'est coupant. Voilà, alors c'est un écosystème en soi. Est-ce que vous avez changé de vie grâce ou à cause de Madagascar? Est-ce que ça vous a bouleversé ce voyage? Ce pays, pas ce voyage, ce pays, oui. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment à la frontière entre l'Afrique et l'Asie, d'une part. C'est une belle découverte, Madagascar. C'est une belle découverte à la fois au niveau biologique, au niveau ethnique, et ainsi de suite. Vous aimeriez que ce pays continue à vous surprendre, quoi ? Absolument. D'ailleurs, je n'ai pas tout visité dans ce pays. Merci beaucoup, professeur voyageur Monder El Jaziri, pour cette croisière dans la flore malgache, mais pas seulement, aussi dans la faune. Vous êtes un chercheur, et il paraît qu'à un chercheur, on ne dit pas de découvrir des choses, mais de se poser encore plein de questions, c'est exact ? Absolument. Ça ne s'arrête jamais. Demain, dans Globe Crocker, on file aux antipodes de Madagascar pour une très belle histoire, celle d'une cuisinière d'école, Vinciane Reynaud, qui accepte un jour d'héberger des voyageurs québécois chez elle. Une magnifique amitié en découle, et quelques mois plus tard, voilà la Belge cuisinière au fourneau d'une maison d'hôte magnifique du côté des Laurentides au Québec. C'est l'aventure de la Belle et la Belge qu'on se raconte pour finir la semaine de Globe Crocker en beauté. Dans un instant, c'est la météo qui orientera nos activités de l'après-midi, et juste avant, il y aura le forum de midi avec Fabrice Lang. Belle journée sur la première, que vous soyez ici ou ailleurs. 11h midi, Benjamin Leupart, Globe Crocker, sur la première. La 3 et la première présente. Le festival de théâtre de Spa. 11 jours, 30 spectacles, 70 représentations. Des créations. Du théâtre pour enfants. Des spectacles en plein air. Des lectures, des rencontres. Du théâtre de rue, des accueils français. Le festival de théâtre de Spa au cœur de la ville. Du 5 au 15 août. 0800 24 140, festivaldespa.be. Avec la Libre Belgique à l'avenir. Grâce à Sudpresse, parfumez-vous au meilleur prix cet été. Participez à notre action épargne du lundi 8 au samedi 13 août et bénéficiez de 50% de réduction sur une sélection de parfums au senteur d'été. N'hésitez plus et foncez dans les journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale. Encore une exclusivité. Sudpresse. La météo. Très belle journée à tous. Cet après-midi, le ciel est assez variable au nord du Sion, Sambre et Meuse. On a par moments une impression bien lumineuse et puis des passages nuageux un peu plus denses. Au sud-est, en revanche, les nuages là sont plus compacts et une petite ondée est encore possible. Les dernières ondées vont tout de même disparaître dans le courant de la soirée et de la nuit prochaine. Le ciel restera chargé, les minima iront de 10 à 14 degrés. Demain matin, finalement, les nuages resteront assez nombreux. Très localement, on n'exclut pas à nouveau quelques gouttes. Dans l'après-midi, un soleil plus franc reviendra par l'ouest. On aura même droit à de belles éclaircies au littoral. Vers l'est, on gardera un petit risque d'averse, mais généralement, le ciel sera variable. Les maxima iront de 17 à 22 degrés. La Chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876.